Ils sont hollandais, mais ils étudient à Lille. B. J'ai un rendez-vous très important à 9 heures. C. Elle aime le chocolat et elle en prend un carré après chaque repas. D. Ce soir, elle préfère rester chez elle après un bon dîner. E. Je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. F. C'est le plus grand avocat de la ville. Je l'ai vu dans une émission à la télé. G. N'aie pas peur, vas-y. H. Quand nos invités vont-ils arriver? I. Les électeurs ne le trouvent pas sympathique, mais ils aiment ses idées. J. Je vous en prie, asseyez-vous.